la vida dulce, llena de encantos y lucidez. Tú me sostienes y me conduces hacia la cumbre de tu altivez. Tú eres constancia, yo soy paciencia. Chapitre 3. Malgré la largeur du paquebot, le salon comedor, salle à manger, très long, était relativement étroit, la compagnie ayant gracieusement prodigué l'espace aux cabines. Toutefois, on avait encore ses coudées franches dans ce restaurant où se prélassait une table babylonienne toute neigeuse de linge damassé, prismatique de cristaux et chargée d'égayantes victuailles. Reyes, tatillon et satisfait, eut bien le temps de choisir sa place, ni trop près ni trop loin de la descente qui donnait passage à toutes les brises de la rade, en face d'une pyramide de chasselas de la Conception. Il échangea quelques poignées de main avec les survenants Toboadongue qui s'installaient en habitués et se plongea dans la lecture attrayante du menu. Et bientôt tinta dans le comédor une réjouissante musique de fourchettes, de cuillères et de couteaux. Le Toboadonga, élégant, se consolait des sinistres pâtés de la quinzaine. Averti par ce petit concert des dames d'allure peut-être un peu trop dignes et maniérées, de styles divers mais toutes somptueusement attifées et fragantes de parfums capitaux, quelques-unes peintes et même stuquées avec goût, sortirent une à une de leur cabine. Elles se mirent à table discrètement mais bien en vue, commandèrent leur déjeuner aux camarades sans éclat de voix, mais d'un ton résolu de femmes exagérément distinguées, habituées à être vite et bien servies, et commencèrent à manger avec de petites mines de créatures éthérées. Bientôt, elles se lassèrent d'efforts immatériels, levèrent les yeux, sans doute pour chercher le ciel, et ne découvrirent que les panneaux relevés de la claire-voie et de la tente beige protégeant le pont. Alors, elles rabaissèrent leurs regards désappointés et s'aperçurent de la présence de caballeros étrangers. Tous leurs anciens rêves d'adolescents durent être réalisés d'un coup, bien certainement, car elles ne purent s'empêcher de couler de longues et involontaires œillades pleines de fières réserves et de passions tristes dans la direction de chacun des nouveaux venus. Trop évidemment, toutes les aimèrent tous, et avec quelle sombre violence. Mais il fut également clair qu'elles mourraient plutôt que de parler les premières. Il fallut bien que les caballeros viennent à leur secours. L'humanité le commandait aussi bien que la galanterie. Les tendres colombes se rassurèrent, et se forma bientôt des groupes sympathiques. Le mince Percy ready-made de la London & Callao Bank se familiarisait avec une forte métisse équatorienne des plus bas années. Rosendo Rochea, un courtier indigène de Toboadongo, dont l'épiderme avait le poli et la couleur de marron d'Inde, s'était pris d'une vive affection pour une Santiaguez assez rose. Le gros hambourgeois Knopf semblait au mieux avec une criquette panaméenne de tige chinois. Tous, le New-Yorkais Artemus Naughty Little Boy, négociant en omnirescibili, l'ex-colonel Trueño des douanes chiliennes, le commandeur Zumalao Bagberi, concessionnaire du cercle, le docteur Gumersindo Majadero, vétérinaire de l'armée, etc., etc., était agréablement pourvu. Le mayordomo du bord écoula sans difficulté quelques décalitres de champagne suisse, de cumel belge et d'anisette brémoise. Peu à peu, les séduisantes dames peintes et leurs cavaliers se retirèrent. Des portes de cabine battirent faiblement. D'autres charmeuses inconsolées avaient déjà quitté le comédor, jugeant qu'elles étaient trop. Et Benigno, tout à l'heure si pressé d'atteindre le Senasa flottant, se vit seul à la table avec deux fort jolies femmes d'une imperceptible maturité qui lui faisaient face et le dévoraient des yeux. Il était dans une assez cruelle indécision, presque également attiré par les deux accueillantes princesses, car si ses préférences momentanées l'incitaient à jeter son dévolu sur cette blonde Yankee, article exceptionnellement rare, blanche, grasse, poupine, belle d'énormes prunelles bleues et d'une carnation florale qui devait très peu de choses à l'art, une voix secrète lui parlait en faveur de sa voisine, une Espagnole de la péninsule sans doute, à en juger par son teint assez clair, sa chevelure brun châtain plutôt que noir, et le hardi regard de ses yeux sombres, nullement languissants comme ceux de la plupart des hispano-américaines. Il sentait, sans pouvoir bien s'expliquer son impression encore vague, que celle-ci se révélerait bien plus semblable à son type d'amoureuse. Il y avait en elle, songea-t-il absurdement, un mystère. Un mystère, comme on dit, agréable, qu'il était peut-être sur le point de deviner. Les deux femmes continuaient à le dévisager en parlant, pour la forme, de choses insignifiantes. Bien qu'il se fût montré envers elles d'une plus que louable munificence et les eût imbibées de champagne, il paraissait cependant si taciturne, affligée d'une élocution si difficile qu'elle s'adressait à peine à lui. Elle commençait à se figurer qu'elles avaient affaire à un monsieur plus vicieux que nature, mais pas fier de lui, et lent à dévoiler ses vilaines inclinations. Tant mieux, il serait généreux en conséquence. Et tout en papotant, elles évitaient de le troubler par une interpellation trop directe dans sa confection d'une phrase. Délicate, par laquelle il les initierait à ses petits projets malpropres. Elle croyait le voir venir. Toutefois, comme il tardait vraiment trop, et comme son mutisme et sa physionomie contractée finissaient par leur causer une sorte d'irritation nerveuse à peu près insurmontable, elles se concertèrent rapidement, à voix basse, et ce fut l'Américaine, fille d'une race pudique et riche en circonlocutions, lui proposa, en termes décents, quelque chose de très bif. Reyes eut une seconde d'éblouissement. Oh, la gamme des chairs pâlement brunes et des chairs blondes, laiteuses, subrosées. Mais, subitement, il fut pris d'une rage de dégoût, puis eut une honte qu'il ne ressentait pas pour lui-même, mais bien pour l'une des femmes, une seule. Une honte furieuse et comme glaçante le fit frissonner. Il sut que c'était l'Espagnol qu'il voulait, nul autre, et tout de suite. Sa figure se fit si mauvaise, si menaçante, que la blonde poupine devina sa pensée entière, sans la moindre explication, et s'enfuit apeurée. En jetant sa serviette sur la table à toute volée, non sans avoir gratifié Benigno d'une épithète de slang cueillie, à n'en pouvoir douter, dans les jardinets des Five Points ou dans les riches serres de Sin Sin. Reyes demeura seul avec la péninsulaire, qui eut un sourire satisfait, un grand sourire blanc qui fit plus rouge les arcs charnus de sa bouche exquise. Les narines roses palpitèrent légèrement comme d'orgueil, ses yeux semblaient s'élargir, et prirent l'éclat qu'auraient pris des diamants noirs, s'il y avait vraiment eu des diamants noirs. Et Benigno se félicita lui-même. « J'ai bien fait d'écouter la voix. Je n'avais pas compris tout de suite, mais à présent, je vois qu'elle ressemble un peu à ma Pepa. Je pourrais donc me faire des illusions. » Et le mirage de ce matin avait sa raison d'être. J'étais averti qu'une sorte de reflet de la seule femme aimée venait jusqu'à moi. Et il adressa quelques mots à l'Espagnol qui se leva, non sans avoir signifié son acquiescement. « Con mil amores. » « Très volontiers. » « Littéralement, avec mille amours. » avait-elle dit. Benigno eut un léger haut-le-corps et regarda la femme quitter son fauteuil, se remettre sur pied d'un coup de rein, comme dansant, suivi d'une prompte et souple torsion de la taille et des hanches qu'il put bien reconnaître. Encore qu'elle parlât espagnol avec un accent neutre, qui ne pouvait guère révéler sa province natale, la locution qu'elle venait d'employer était presque exclusivement ténérifienne. Il ne sut s'empêcher de l'interroger. Voici une petite phrase qui me ferait croire que vous êtes isleña, insulaire, canarienne. Vous connaissez les Canaries? S'écria-t-elle d'un ton vaguement alarmé. Très peu, très peu, se hâta de répondre Benigno. J'ai fait jadis escale à Santa Cruz de Tenerife et passé 2 jours dans l'île. Ah, tant mieux, fit-elle involontairement. Elle rougit et se reprit. Je voulais dire que nous sommes si loin de mon pays que je ne vois guère d'inconvénient à vous avouer que je suis tinerfeña, ténérifienne. De Santa Cruz, de la Laguna, de Puerto. Elle perçut l'hésitation et cette fois devint très pâle, se troubla. Du Puerto, vous me connaissez? Non. Ce n'est pas possible. Ne dites pas cela. Comment voulez-vous que je vous connaisse, puisque je n'ai jamais été qu'à Santa Cruz? Je vous parlais du Puerto comme je vous citerais un code, ou Guimard, ou Granadilla. Des noms que j'ai entendus, rien de plus. Mais il était lui-même très ému. Il avait la presque certitude qu'il voyait Pepa devant lui. Eh oui, aveugle, il n'y a jamais eu deux Pepa dans le Puerto. C'était elle. C'était elle changée, mais pas comme il l'aurait cru. Les traits demeuraient très semblables à ceux qu'ils avaient été jadis. L'expression seule différait. La physionomie avait dû se modifier dans un sens, tandis que ses souvenirs à lui l'altéraient dans un autre. C'était pour cela qu'il ne l'avait pas reconnue tout de suite. C'était Pepa. Plus forte, plus grasse, mais non empâtée. Incroyablement jeune de ligne pour ses 38 ans. Cette pose de cou, ce port de tête, n'avait pas leur pareil. Le teint rosté s'était ambré un peu, tout en restant transparent. Mais la bouche n'avait pas varié. Ces arcs rouges délicatement charnus n'avaient rien perdu de leur grâce grisante. La courbe du nez caméen s'était peut-être finement accentuée. Le grain de beauté semblait une idée noire, moins noire qu'avant. Cette fossette s'était légèrement comblée, mais le dessin de tout le visage gardait sa fermeté, son style propre. Le seul grand changement s'était passé dans les yeux. Il se fit violence pour ne pas lui crier. « Oui, je te connais. Je t'aime depuis des années et des années. Si je n'ai compté pour rien dans la vie, tu as tenu une place immense dans la mienne. » Et, assez vilainement, il n'éprouvait aucun chagrin de la chute de la seule femme qui eût incarné toutes ses aspirations amoureuses. Au contraire, et il s'en haïssait, en concevait pour lui-même un mépris violent sans pouvoir se contraindre à penser avec moins de bassesse. Ah, qu'il eût été sa visée de dire à la Pepa d'antan une parole insolemment tendre, alors qu'elle jouissait du frais et de la lumière nacrée du soir à la fenêtre de sa maison rose. La Niña l'eût fait jeter dans le ruisseau par quelques péons canariens semblables à la brute indienne qui pensait aujourd'hui un vieux cheval dans certaines écuries de Toboadongo. Qu'elle fût seulement devenue pareille à la grosse Pepa bien mariée, trop bien rentée, croulante, abrutie et béate, imaginée ce matin même, et qu'elle eût l'invraisemblable, l'impossible caprice de s'offrir à lui, oh, la déception aggravée d'incurables dégoûts. Dans les circonstances actuelles, au contraire, tout allait le mieux du monde. Elle n'avait aucune envie de se refuser. Parbleu, et conservée par les soins de minutieuse coquetterie qu'exigeait impérieusement sa profession jusqu'à un certain point dégradante, et pas si blâmable après tout, s'affirmait Benigno. Elle pouvait lui donner tout le bonheur qu'il avait autrefois désiré d'elle. Mais il ne lui dirait rien, ne lui laisserait rien soupçonner. Elle l'avait tant méprisé, si honteusement traité dans le bon temps, qu'elle eût été capable de lui faire quelque fâcheuse avanie, même aujourd'hui. Il allait profiter de la situation. Tant pis et tant mieux. Après tout, ce n'était qu'une... Mais il ne comprit jamais par la suite comment il avait pu, à la même minute, se sentir le cœur si serré et se délecter si méchamment d'une affreuse joie triomphante et un peu ignoble. Tú bien lo sabes que estoy enfermo y en mi semblar de claro se ve que ya de noche casi no duermo, no duermo nada, ¿sabes por qué? Porque yo sueño como te aprecio de que a mi lado puedes tener. Son sueños malos, torpes y necios, pero mi vida, ¿qué voy a hacer? Penosa mi situación, que muchas veces por buscar calma llevo mis dedos al diapasón. De tu desprecio nunca hagas nada, porque si lo haces, pobre de mí. Quéreme siempre, no seas tan mala, vamos ingrata. No seas así.